Selon les dépêches en provenance de Séoul, l'action nationale extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye a organisé simultanément le 17 courant dans plus de 80 régions de la Corée du Sud, la 8e action pan-nationale. Y ont pris part plus de 770 000 habitants de divers milieux. À Séoul, plusieurs centaines de milliers d'habitants ont livré diverses activités pour la destitution immédiate de Park Geun-hye partout dans la ville avant le meeting à la bougie. Ensuite, des centaines de milliers de gens se sont réunis sur la place de Gwanghwamun. Après le rassemblement, ils ont livré la marche à destination de la Maison Bleue, de la résidence officielle du Premier ministre et du Tribunal constitutionnel. Plus de 18 000 policiers de 228 compagnies ont été disposés aux endroits de lutte en créant un climat de répression barbare. La lutte à la bougie demandant la destitution des forces au pouvoir a eu lieu dans toutes les régions en même temps que la manifestation à Séoul.